Comme à tous les lundis, à cette heure-ci, bien, c'est Raymond Poirier qui est avec nous en studio pour la chronique technologie d'information, puisqu'il est chargé de communication à Litis. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et tu fais une chronique en deux temps, finalement, cette semaine et la semaine prochaine. Tu gardes une conférence pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui, tu fais un résumé, finalement, un portrait global du Forum des idées pour le Québec. C'est vague, là, comme nom. C'était quoi, ça, le Forum des idées pour le Québec? En fait, c'est une initiative du Parti libéral du Québec. Philippe Couillard, en campagne à la chefferie, avait promis d'organiser des forums annuels sur différentes questions, des forums qui se veulent au départ non partisans, mais qui évidemment sont à l'attention tout de même du parti, du gouvernement en place. Ben, c'est eux qui vont faire des lois ou des programmes. C'est eux qui l'organisent et c'est eux qui lancent un peu l'invitation au bout du compte. Par contre, les gens qui sont sur scène, qui sont sollicités pour présenter, pour donner leur avis, eux sont de toute allégeance politique ou apolitique, sont pas nécessairement du Québec, pas nécessairement d'Amérique du Nord non plus. Donc l'idée, c'est de faire un grand brassage d'idées. L'an dernier, ils avaient fait un brassage d'idées sur la thématique de l'économie. Cette année, ils ont fait un brassage d'idées sur la thématique de l'innovation. Évidemment, si on amène un peu sur le terrain des technologies de l'information, c'est que au final, au fil des 3 jours qu'ont duré ce forum-là, la thématique de l'innovation a véritablement dérivé vers l'idée du numérique au sens large, vers l'idée des technologies comme moteur d'innovation et comme moteur de construction aussi d'un Québec de demain et d'une économie de demain également. Donc, dans un contexte très large, évidemment, social, démographique, etc., etc. Mais Raymond, juste pour nous donner une idée, comment ça se passait? Et en fait, c'est une série de séances, des tables rondes, des panels. Donc, on avait des conférences, okay, des présentations longues. Ensuite, d'autres experts qui réagissaient aux conférences qui avaient été présentées, des questions de la salle. Et ensuite, un échange, des discussions donc entre les panels. Ça faisait des journées quand même assez prolongées. Le samedi, exemple, ça a commencé autour de 8h30 le matin. Ça s'est terminé vers 7h, 7h15 le soir. Et à l'intérieur de ça, il y avait... ça a été salué quand même par la plupart des panélistes, ou beaucoup de panélistes, à tout le moins, à toutes les séances du début à la fin, de la première à la dernière minute du forum, le premier ministre était là, il était assis dans la salle, il prenait des notes, il écoutait, et il y avait aussi une bonne partie de son cabinet, donc des ministres du gouvernement qui étaient sur place. On parle d'une audience d'à peu près 400 personnes, donc là-dessus on pourrait imaginer à peu près la moitié, donc qui était effectivement issus du parti, de la machine libérale, donc soit des ministres, soit des membres du cabinet, des communications, donc des députés, etc. Et l'autre moitié, donc, qui était soit issus d'autres formations politiques, soit donc simplement des chefs d'entreprise, des représentants de municipalités, des représentants d'organismes, des représentants du milieu universitaire également. Donc, ça donnait quand même un bon contexte pour le brassage d'idées et c'était motivant, on l'imagine, pour les personnes qui étaient sur place d'avoir l'impression donc qu'ils étaient véritablement écoutés. Mais oui, là, quand le premier ministre est dans la salle et prend des notes pendant que tu parles, tu dis, en tout cas, je pense que le message va se rendre. Exactement. C'est l'idée qui ressortait beaucoup et les gens en ont profité essentiellement pour, j'irais lancer une sonnette d'alarme autour de l'idée du numérique comme secteur, tout d'abord, en disant, regardez, si on compare à d'autres domaines d'activité, par exemple au Québec, le numérique génère plus d'argent, plus d'espace occupé au niveau du produit intérieur brut que le tourisme, que l'industrie qui est quand même importante. Mais le tourisme a un ministère, un ministre, tandis que le numérique, on disait, regardez, le numérique, au bout du compte, n'est représenté que par un très haut fonctionnaire qui, lui, relève du Conseil du Trésor et ensuite, on monte tranquillement au premier ministre. Donc, il n'y a pas nécessairement d'entrée directe sur cette question-là qui, au bout du compte, se retrouve subdivisée dans ses différents pans, dans chacun des ministères, puisque tout le monde est un peu concerné. Mais il disait, regardez, quand on observe les tendances à l'international et la place que ce domaine-là est en train de prendre, on disait, enfin, il y a un des conférenciers qui a sorti le comparatif, il disait, si on regarde le secteur des mines, de l'énergie et un troisième, en fait, donc mines, énergie et ressources naturelles, en fait, que ça génère actuellement un PIB comparable pour la planète à celle générée par le numérique. Okay. Donc, c'est quand même pas rien. Ben oui. Bref, de manière générale, les gens disaient, regardez, c'est gros, c'est majeur. Vous avez un plan Nord, disait Sylvain Carle, un des conférenciers en fin de parcours. Pourquoi pas faire un plan Nerd? c'est bon, ça. Il y a un autre conférencier en début de parcours, Michel Cartier, qui lui disait, regardez, le Parti libéral, dans les années 60, a donné l'électricité aux Québécois. Peut-être est-ce le temps de donner le numérique. Donc, les gens étaient là et proposait des slogans en disant, ben, regardez, c'est important, notre secteur est majeur, faut réagir. Et au bout du compte, il y a un consensus qui ressortait un peu des différentes interventions. C'est l'idée d'une stratégie, c'est l'idée d'un plan. Donc, d'avoir un plan numérique pour le Québec, d'avoir une stratégie pour savoir où on s'en va et pour savoir pourquoi on s'en va là. Donc, oui, d'un côté, le numérique est important, mais quels sont les éléments aussi qui font qu'on devrait s'y investir peut-être de manière un peu plus imposante. Et c'est un peu dans la manière que divergeaient peut-être un peu les formes et des propositions. Donc, variait toujours entre l'inquiétude et le réalisme, ouais. Entre l'enthousiasme et les moyens. Des précautions peut-être un peu plus, justement, tempérées. Et il y avait, ben, en fait, on pourra retenir quelques points de vue quand même à travers ça. Exemple, en fin de parcours, c'était le chef de Cogeco, donc Louis Audet, qui est venu dire un peu son impression des présentations qui avaient été faites, et lui disait, regardez, pour moi, la nécessité d'un plan numérique est peut-être encore plus fondamentale que ce qui est présenté, où j'ai l'impression qu'on n'est pas nécessairement au bon moment pour mettre en place des grandes stratégies structurantes parce que notre base n'est pas nécessairement assez viable. D'autres qui disaient, ben au contraire, oui, peut-être qu'on a un retard sur la base, mais il faut faire une démarche horizontale, il faut tout couvrir. Bon, mais M. Audet, ce qu'il disait essentiellement, c'est que d'un côté, au niveau des entreprises, donc les entreprises ne sont pas nécessairement suffisamment sur le web. Les entreprises sont, selon les chiffres du Cefrio, en train de rater peut-être le virage numérique, ne sont pas présents sur la toile pour vendre des produits. Il y en a seulement peut-être 12-4% des entreprises qui font effectivement de la vente en ligne au Québec. Et pourtant, on a l'impression que c'est partout. Exactement. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Après ça, il nous rappelait aussi qu'il y avait, je pense, 63% dans l'alphabétisme fonctionnel au Québec. Donc, des gens qui sont capables de comprendre des éléments, mais pas nécessairement de manière assez entière au niveau lecture pour véritablement être investi dans un éventuel gouvernement numérique. Mais c'est un point important. Ça, on parle beaucoup d'être sur le web, mais il faut pouvoir le lire, le web. Exactement. Et après ça, il y a le système de santé aussi. On disait mais qu'il y avait un problème majeur de ce côté-là au niveau de l'interopérabilité des systèmes, entre autres éléments. Donc, lui disait, regardez, il y a cette base-là qu'il faut brasser. Il y en a d'autres qui disaient, oui, il faut brasser cette base-là, mais reste que si on veut aussi pouvoir profiter maintenant de ce qui se passe, de l'engouement et des développements sur le numérique, il faut aussi créer un contexte où le Québec pourra éventuellement générer ses champions, générer ses Google, ses Twitter, générer ses Alibaba, ses grandes entreprises numériques structurantes qui vont éventuellement pouvoir créer un cercle vertueux, amener d'autres entreprises, amener un climat de création et d'innovation. Et donc, peut-être trouver des façons aussi en ce sens d'accompagner les gens vers l'innovation. Et ça, ce sera peut-être un peu aussi le sujet de la chronique de la semaine prochaine, parce qu'il y a une conférence, en fait, à peu près une quarantaine de minutes qui était édifiante là-dessus, à travers justement l'exemple de New York et essentiellement le conférencier Martin and Kahn qui nous a offert, je dirais pas une recette, mais comme il disait, je vais le dire en anglais, un blueprint, donc un plan, un patron, si on peut dire, si on y va à l'ancienne, ouais. Un patron vers l'idée de pouvoir générer justement ce type d'économie-là. Mais bon, évidemment, à travers ça, donc on reste dans la sphère des idées. On a essayé beaucoup chez les conférenciers de mettre de l'avant l'importance de ce médium-là, en disant aussi, il y a des belles comparaisons qui ont été utilisées. Il y en a un qui disait, à un moment donné, on était dans une certaine centralité, où l'homme était centré autour d'un organe. Et cet organe-là représentait les valeurs de l'époque. Donc, on est passé du foie, donc une époque guerrière, à celle du cœur, donc l'époque des échanges, la mise en commun, à celle du cerveau, donc période où on met beaucoup de l'avant les connaissances, le savoir, l'opinion. Et il dit éventuellement, ben, faut considérer que il faut aller au-delà de ces centralités-là et voir plutôt l'être dans son ensemble. Et donc, si on sort d'une centralité, mais nécessairement, ça nous amène vers le numérique, qui est aussi l'idée de la mise en relation de ces différentes dimensions-là. Il y en a d'autres qui disaient, en fait, je reviens à Michel Cartier, qui disait, lui, regardez, on est passé d'une relation de pouvoir, donc que ce soit les seigneurs, la religion, le pouvoir de l'opinion, éventuellement, donc on risque de passer vers une nouvelle révolution qui sera celle du numérique, qui va servir de catalyseur, qui va justement justement permettre cette union-là que l'autre décrivait. Donc, on se refait un peu autour de sujets peut-être plus philosophiques. Et ces sujets-là étaient alternés aussi d'exemples peut-être plus pratico-pratiques. Quand on est tombé sur la thématique des villes intelligentes, par exemple, et de dire, OK, oui, on parle donc de l'importance sociétale du numérique pour notre évolution, pour notre intégration à l'intérieur du monde et du monde de demain, pour le dialogue intergénérationnel aussi que ça présuppose, parce que des jeunes aujourd'hui qui naissent avec le numérique, qui vont être appelés à maîtriser ce langage-là, et donc ça risque aussi de créer des écarts générationnels si ouais. on n'est pas en mesure d'appuyer la population en place maintenant pour être à un niveau acceptable, pour pouvoir parler avec ces jeunes-là, pour avoir un langage commun, et pour pas avoir l'impression qu'il y a deux Québec d'ici X années, d'ici une ou deux générations peut-être. Et en parallèle, ben, on était donc dans les exemples pratiques, on disait, ben, regardez, au niveau des transports, voici qu'est-ce que ça peut permettre, voici les avantages peut-être au niveau environnemental, au niveau d'un dialogue entre l'État et les citoyens, bref, des éléments qu'on explore quand même de temps à autre dans les chroniques ici. Donc l'idée que les technologies, encore là, on revient avec l'idée, donc servent de catalyseur. Donc de catalyseur entre les dimensions humaines, entre les générations, entre les gens, et entre aussi les différents pouvoirs de la société, les différentes forces en présence, donc que ce soit l'État, que ce soit les administrations, que ce soit les entreprises, et évidemment les citoyens. Et en étant toujours très clair aussi que cette idée d'un plan numérique doit être fait justement au bénéfice des citoyens. Donc qu'il doit y avoir une volonté à la base pour construire quelque chose, s'approprier le numérique pour que ça fonctionne, mais qui doit aussi avoir une volonté en haut, une volonté de l'État, pour donner un signal clair que le Québec s'en va aussi vers cette voie-là et pouvoir ensuite aller chercher justement l'entreprise et les autres, les acteurs, pour bâtir justement ce Québec de demain, ce nouveau Québec-là. Mais, et tu parlais tout à l'heure d'exemples concrets. Ça peut être le genre de brassage d'idées où il y a beaucoup de théories. Est-ce qu'il y en avait quand même pas mal des exemples concrets? Est-ce que les gens disaient, bon, regardez, ceci, ça fonctionne ailleurs? Ou, Il y a beaucoup d'exemples concrets, mais le problème quand on tombe avec ces réalités-là, c'est que les solutions souvent ont été réalisées dans un contexte spécifique. Donc, ce qui fonctionne, par exemple, à Singapour en matière de ville intelligente, ne fonctionnera pas nécessairement à Amsterdam ou à Barcelone. La solution de Barcelone ou Amsterdam, c'est pas nécessairement la même que New York. Et donc, de facto, ces solutions-là, c'est pas la même à Québec non plus. Donc, l'idée, c'est d'être en mesure de faire un diagnostic viable des besoins de la province et des besoins des villes qui la composent et de répondre spécifiquement à ces problèmes-là dans le contexte culturel québécois, dans le contexte politique québécois, dans le contexte économique québécois. Et le contexte économique a amené aussi un débat et une réflexion à savoir... est-ce qu'on a les infrastructures nécessaires aussi pour déployer un éventuel Québec numérique? Il y en avait qui disaient oui, il y a des infrastructures, ces infrastructures-là sont suffisantes face aux besoins actuels. Il y en avait d'autres qui disaient oui, mais les besoins actuels sont pas nécessairement les besoins de demain, donc il faut investir pour prévoir une hausse, parce que si le Québec devient numérique, nécessairement il y aura plus de pression sur les infrastructures, donc on sera pas nécessairement bien préparé. Donc c'est vraiment une journée où, un trois jours en fait, où on avait l'impression au terme de ça qu'il y avait une volonté d'amorcer quelque chose, mais en même temps qu'il y allait avoir aussi un débat à faire sur les moyens spécifiques justement pour répondre véritablement d'un côté à la réalité québécoise, de l'autre côté aux aspirations québécoises, mais en essayant de dresser un portrait le plus viable possible de la réalité et des aspirations aussi, ce qui n'est pas nécessairement donné, on s'entend. S'il y a le débat au niveau des infrastructures, on imagine qu'il va l'avoir aussi à d'autres niveaux. Et à ça aussi, il y a toutes les préoccupations quant à la vie privée, notamment quant à la surveillance, sécurité. La sécurité. Donc, l'idée que débat fiscal aussi, comment on organise ça, la fiscalité du numérique, est-ce qu'il faut donner des crédits d'impôt ou non? Est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il faut réfléchir sur les impacts que ça peut avoir sur la souveraineté? Est-ce qu'il y a quand même un lâcher prise qui est présupposé? La création de valeur qui est engendrée, donc elle est de quel niveau, etc. Donc, ça reste une thématique très large. Mais ce qui est intéressant avec ce forum-là, c'est qu'on a accès à, disons, une amorce de réflexion pour se faire une tête, pour être à jour, j'ai l'impression, sur les principaux débats autour de cette question-là. Et je vous dirais même, à la limite, si vous avez du temps devant vous au fil des prochaines semaines, tout a été enregistré. Et vous pouvez aller l'écouter, aller voir justement les conférences, aller chercher donc à la source l'information. Le site, en fait, c'est sur le site du Parti libéral. C'est plq.org/forum. Et donc là, à partir de demain mardi, donc on va être le 16, donc 16 septembre, les conférences devraient être en ligne. Et je pense que c'est un exercice intéressant. Moi, personnellement, en fait, il y a le côté, évidemment, travail qui a été en cherché pas mal, mais d'un niveau citoyen, c'est le genre d'exercice où on en sort quand même assez grandi, ne serait-ce que de pouvoir justement avoir un condensé assez détaillé de ces débats-là, de ces réflexions-là, de ces questions-là. Alors, on ira faire un tour pour en savoir plus, mais on en parle encore une fois la semaine prochaine avec la conférence dont tu nous parlais. Et est-ce qu'on retrouve quand même quelques informations, des liens sur le site de l'ITIS? J'aurais tendance à vous renvoyer vers le site du PLQ. Ça va être plus complet. Ça va être plus complet. Vous avez l'intégrale. Sinon, sur notre site, évidemment, nos agendas, nos activités. Et on a également un petit peu de tweet là-dessus aussi sur @ITIS_UL ou itis.laval.ca. Alors, on retrouve aussi les chroniques qu'on fait à chaque semaine. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.